Donc, on a vécu tous les trois là-bas à Tunis. On a fait tout au mieux. Moi, j'ai trait les vaches. J'envoie les vaches, les champs aussi, le travail, le tracteur, tout ce qui s'en suit. Quand mon frère André ne pouvait pas, j'allais après l'école ramasser le foin et dans les trévilles, tout ça. Le tracteur. Et donc, vous êtes né à Kirizit, mais et Oui. après? Après, je suis restée jusqu'à peu près, mes 14 ans, je suis envolée sur la route de Quimper pour servir dans un bar avec mon père. Younimiri. Oui. Oui, d'accord. Et puis après. Après, je suis restée à servir dans le bar, puis je joue aux cartes et tout ainsi de suite. Et de là, après, C'était où? à Tioulaï, sur la vieille route de Quimper.